fire. On va les forages d'âme qui veulent nous fire. Pour ce temps quand la situation se corse. Rude boy avec les bad boys. Romantique pour les lops. Ah. Action, rituel fou, danse vautou. Bonhomme, n'oublie pas qu'il n'y a qu'un seul groove dans ta nation. Rap qui claque, beat qui frappe, insomniaque, ta femme te plaque. Vlad, black, mic, crack. Saccagé ton mental, ne suis plus. Reste cocu, foutu, conséquence voulue de mon infernal dévolu. Bad boy, belle, bad boy, mec, c'est fini. Les boys qui gassent finissent au fond d'un puits. Wow, reality. Bad boy, belle, bad boy, mec, c'est fini. Les boys qui gassent finissent au fond d'un puits. Je domestique, le bionic, styling, élastique, solide, électronique. Mon bloc, bloc, styling, bloc, no joke. Choc, bloc, bon, Kellogg, les smoke. No joke, mon beat, solto, les stop, le four à pont. Bite, bite, je dis, t'es pas multiplié, les délits, styling, un délit. Bill, kill, bill, the film, et la fille, billy, du milli. Je roule avec un man, click, on click, mon flow énigmatique, flip. Flip, wicked, mon photo, t'es fait l'effet d'un split. Speed avec un lait, bon, mid, au plein de bluff. Hockstock, les glocks, on talk, you live rough. Nick pour les jaloux, jaloux. Le bon creepy, mon bouffe, bah, shoot, mais l'ouvre pour mon secours. Bad boy, belle, bad boy, mec, c'est fini.